Salut, vous écoutez toujours, vous écoutez Sous Pression, zone CHR Y 105.5 FM. Je dirais pas toujours parce que l'émission vient de commencer. Je m'appelle Mathieu, je serai avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Enfin, jouer du punk, du ska et du hardcore, tout en français. On a commencé l'émission avec du Berruguet Noir, leur album Carnaval des Agités. La chanson Hélène et le sang, c'est une compilation de chansons enregistrées en concert entre 1983 et 1989. Alors, la première période de l'existence de Berruguet Noir, parce que bien sûr, Berru se sont reformés en 2003, de 2003 jusqu'à 2006-2007 environ. Où ils ont fait quelques concerts et enregistré un nouveau album studio. Alors, j'ai fait jouer cette chanson-là parce que cette semaine marque le 22e anniversaire de la Polytechnique à Montréal. C'est le 6 décembre 1989 qu'un homme est rentré à la Polytechnique à Montréal et a assassiné 14 femmes simplement parce qu'elles étaient des femmes. Il était fâché contre. Il blâmait les féministes pour toutes ses malheurs dans sa vie et a décidé de s'en prendre aux femmes à la Polytechnique qui étudiaient en génie. Alors, on marque, c'est devenu une journée au Canada et peut-être ailleurs dans le monde pour... c'est marque une journée pour lutter contre la violence faite aux femmes. Alors, on va marquer ça. J'ai décidé de commencer l'émission avec Hélène et le sang parce qu'une chanson, c'est une chanson contre le viol. Je vais continuer avec une autre chanson par Les Bonariens. Les Bonariens, le groupe montréalais qui écrit une chanson à propos du massacre à la Polytechnique. La chanson s'appelle L'Épine. C'est de l'album Advienne que pourri, je vais la faire jouer. Je vais aussi faire jouer une couple d'autres chansons au courant de l'heure par des groupes, par plusieurs groupes, des chansons contre la violence faite aux femmes, la violence conjugale. Alors, on continue maintenant avec Les Bonariens et L'Épine ici à Sous Pression. We'll qui s'écoule de mon nez. C'est rien, je sais seulement le coup à porter. Je n'ai plus d'esquiver sa force, se décupe quand il me frappe en criant et que moi je lutte. Violet ton œil, qui scrute ton regard dans la glace. Find that on the radio. CHRY. You'll turn to that station. 105.5 FM. Salut, vous écoutez toujours sous pression sur une CHRY 105.5 FM à Toronto et le CVR 103.5 FM à Yellowknife. Pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, je m'appelle Mathieu et je suis avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Je vous fais jouer du punk, du ska, du hardcore, tout en français. Dans le premier bloc qu'on a écouté, on a commencé l'émission avec du Bruit Noir et l'Annulation. Après ça, les Bons Nariens avec la chanson L'Épine, tirée de leur album Advienne que pourri. Et on a terminé avec Cartouche, les 6 couleurs de leur album Accord perdu, un album sorti en 2009. Et c'est un excellent album par un bon groupe composé de membres d'anciens groupes comme Coaches, Brigade of Flakasmagon et Yabasta. Alors ça vaut la peine d'aller vous procurer de leur matériel si vous pouvez. Je continue avec une chanson de Brigitte Pop, d'une assez vieille composition, un vieux morceau de leur album Pogo Ashirakland, sorti en 1996, alors ça fait déjà assez longtemps, et 15 ans, là. Et je continue avec la première chanson de ce petit mini-album-là, de cette chanson, la chanson La fin du monde, alors voici Brigitte Pop à Sous pression. Dans un rabat. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression, zone CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. On vient d'écouter Streets of Rage, la chanson militée de leur album Level One, sorti il y a cette année. Le groupe de Nancy en France qui planifie sortir un 45 tours split avec le groupe Enraged Minority. Bientôt, je présume, ça promet un excellent album, un excellent split, deux super bons groupes. Suture Vage aussi ont aussi participé à la compilation de la compilation de Sous Pression, une compile que j'ai créée afin de soutenir la station de radio CHRY pendant la campagne de levée de fonds de CHRY au mois d'octobre passé. Avant ça, c'était Les Vipères avec Démence de leur album Sans foi ni loi. Jeunesse à Patrette avant ça avec Souvenir du passé. Marabout avec 2012. Et on a commencé le bloc avec La fin du monde par Brigitte Bop de leur album Pogo Pogo Ashirakland. Alors, moitié chemin de l'émission, il est rendu à mi-chemin. Et je vous rappelle que l'émission Sous Pression a un site web. Vous pouvez visiter le www.souspression.wordpress.com. www.souspression.wordpress.com. Vous pouvez télécharger l'émission à partir du site web. Vous pouvez l'écouter aussi gratuitement. L'émission, on la met en ligne à chaque semaine. D'habitude, donnez-nous une journée ou deux pour la mettre en ligne et disponible sur le site web gratuitement. Vous pouvez écouter ça n'importe quand, n'importe où. Et on a aussi une présence sur Facebook. C'est facebook.com/sous-pression. facebook.com/sous-pression. Visitez la page et aimez l'émission. Et finalement, vous pouvez nous contacter par courriel sous-pression@chry.fm. C'est le sous-pression @chry.fm. Si vous avez des demandes spéciales, des commentaires ou même des plaintes, ou si vous faites partie d'un groupe qui aimerait partager leur musique avec l'émission. Pardon. Oui, c'est ça, contactez-nous. Alors, je continue en musique maintenant avec un groupe qui n'existe plus depuis assez longtemps, Les Ordures Organiques, de leur album Je m'en viens sous, sorti en 98. La chanson Mon amant silencieux, alors voici Les Ordures Organiques à Sous Pression. Down.

Bon, notre temps ensemble tire malheureusement à sa fin, mais je vous laisse avec une dernière chanson par les rockers de Valve. C'est tiré de l'album, la compilation Two Tongue 4, la chanson Clandestin, une excellente chanson par un groupe composé dans ses membres de l'Eperia. Avant, on écoutait Bolshoi et la Gâchette, Amnésie, avant ça c'était Ayoka, La Fraction, Le Vulgaire Machin et Les Ordures Uniques. Et je vous laisse avec, bien sûr, les rockers de Valve. Alors, prenez soin de vous, passez une excellente semaine.